Journal de bord du capitaine Bergen, capitaine de l'Otto Friedrichs, pendant son voyage du 6 mai au 6 mai. Nous avons quitté Belnitsa avec un chargement de 12 caisses de rhum, de 38 tonneaux de vin et de 6 boîtes oblongues qui nous viennent de Transylvanie et qui sont pleines de terre, m'a-t-on dit. Ces dernières boîtes sont à destination de Visborg. On dirait des cercueils, m'a dit mon second. C'est vrai. Je les ai mises dans la cale à côté de la chambre des hommes parce que j'ai peur qu'il n'y ait une contrebande de guerre cachée là-dessous. Ces boîtes seront signalées à l'arrivée de Visborg aux autorités. Mon équipage se compose de 18 hommes, toujours les mêmes, de mon second Rodolphe et de moi. 7 mai, rien à signaler. 8 mai, rien à signaler. 9 mai, rien à signaler. 10 mai, 11 mai, 12 mai, 13 mai, rien à signaler. 14 mai, Jeff Varten est malade. 15 mai, rien à signaler. 16 mai, Jeff Varten est toujours malade. Anton Moll, Rixberg, Colton, tous matelots sont malades. 17 mai, Varten est mort, Rixberg est à l'agonie. Moll va très mal. 18 mai, la situation devient assez sérieuse. Deux nouveaux morts aujourd'hui et 7 hommes malades. Je vais m'arrêter à Strepan et voir le médecin du port. 19 mai. Nous sommes arrêtés à Strepan. Le médecin est venu à bord. Il a examiné mes malades. Eh bien, lui ai-je dit quand il a été pour partir, c'est le scorbut. Vous voulez rire? En ai-je l'air? Non, mais c'est bien la première fois que le scorbut éclaterait à bord de mon bateau et même sur un bateau qui fait de la navigation fluviale. Mes hommes mangent de la viande fraîche. Vous vous trompez certainement, docteur. Ah, vous croyez? J'en suis sûr. Eh bien, je vais recommencer mon examen. Et cet ignare est redescendu auprès des malades et les a de nouveau auscultés. Quand il est revenu, je lui ai posé la même question et il m'a répondu. Si ce n'est pas le scorbut, je n'y comprends rien. C'est un point de vue. Ils ne se plaignent de rien, du moins ceux qui ont les premiers symptômes du mal. Ils ont mal partout. C'est tout ce qu'ils savent dire. En somme, rien à faire. Je ne vois rien. Aucun conseil. Faites-leur boire de l'alcool. Ils ne s'en privent pas. Alors, il est parti. Je suis bien avancé. Que vais-je faire? 20 mai. Je n'ai pas le temps de mettre mes notes. 21 mai. Toujours pas le temps. Il y a maintenant 6 morts. 22 mai. Encore 2 morts aujourd'hui. Je vais m'arrêter à Borlen. 23 mai. J'ai vu le médecin du port à Borlen. Je lui ai demandé s'il ne pourrait pas laisser le navire en observation. Il m'a dit qu'il examinerait d'abord mes malades. Comme, sauf le second, le Norvégien Hansen et moi, tous les matelots sont malades, cela demandait un certain temps. Eh bien, lui ai-je dit quand il est revenu. C'est bizarre, je le vois bien. C'est très bizarre. Mais que concluez-vous? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une épidémie à bord? Si. Alors je vais rester au port. Je n'en vois pas l'utilité. Mais enfin, docteur, je ne peux pas continuer ma route comme ça. Prenez d'autres marins. Mais s'il y a une épidémie, comme vous dites... Le docteur s'est gratté la tête, puis... Je crois que c'est une épidémie de suicide. Vous dites? Je pense que c'est une épidémie de suicide. De suicide? Dame. Mais docteur, on reconnaît quand un homme s'est tué. Sans doute. Mais il s'agit en l'espèce d'une sorte de suicide mental. Mental, qu'est-ce que cela signifie? Je crois que vos hommes ne veulent plus vivre, alors ils meurent. Étrange explication. Je ne peux pas vous en donner d'autres. Merci, docteur. Dois-je continuer ma navigation? Je vous y autorise, à moins que vous ne soyez pas rassuré. Me dire cela, moi, qui ai 35 ans de bateau, pas rassuré. 24 mai, 2 nouveaux morts. 25 mai, la situation est désespérée. 26 mai. Je vais essayer à Fulda de voir un autre médecin. C'est le dernier port avant Visborg. Nous restons 6 à bord. 27 mai. Nous sommes 6 à bord, dont 2 malades. Je ne peux pas continuer ma route. Ce n'est pas que j'éprouve quelque ennui pour naviguer car le temps est absolument calme et il n'y a pour ainsi dire rien à faire sur le bateau. Pourvu que j'ai un homme à la barre, cela suffit. Mais enfin, ce qui se passe à bord de ce navire n'est pas naturel. Cela ne peut pas durer. 28 mai. Le docteur du port de Fulda sort d'ici. Il m'a demandé d'abord des explications à n'en plus finir et enfin. Qu'est-ce que vous transportez comme marchandise ? Je le lui ai dit. C'est tout, c'est tout. Il m'a regardé d'un air soupçonneux. Capitaine, vous ne dites pas la vérité. Tout docteur qu'il était, je l'eusse giflé. On n'a jamais mis ma parole en doute. Mais enfin, je me suis retenu. Je vous dis l'exacte vérité. Vous ne me cachez rien. Rien, je vous le jure. Un moment, j'ai pensé qu'en visitant le bateau, il avait vu les boîtes oblongues et qu'il s'était imaginé que je faisais de la contrebande d'armes. Mais non, il n'a même pas fait allusion à ces boîtes et m'a tenu ce singulier langage. Avez-vous observé, capitaine, le visage de vos hommes au moment où ils mouraient ? Oui, docteur. Qu'avez-vous remarqué ? Une certaine couleur violette. Oui, presque comme s'ils étaient morts par strangulation. Oui. Vous n'avez jamais entendu de cris à bord de votre bateau ? Non, docteur. Vos hommes s'entendaient bien entre eux ? Oui, docteur. Vous n'avez jamais entendu non plus des bruits de combat ou de lutte ? Non, docteur. Et aucun de vos hommes ne vous a semblé témoigner d'une crainte quelconque ? Non, docteur. Était-ce des marins nouveaux ou des marins anciens ? C'était de vieux routiers. Alors, c'est extraordinaire. Mais que voulez-vous dire, docteur ? Ceci, capitaine, vos hommes sont morts de peur. Morts de peur ? Exactement. Je n'ai pas pu retenir une explosion évidemment malséante de gaieté devant cet idiot. Peur de quoi ? Je n'en sais rien. Alors, je constate un fait. C'est que vos hommes, du moins ceux qui sont malades, donnent l'impression d'éprouver un ébranlement nerveux considérable, d'être dans un état de fébrilité tout à fait extraordinaire, qu'ils jettent autour d'eux des regards effarés et qu'ils sont incapables de prononcer une parole. Ce sont les symptômes de la maladie. C'est entendu, mais cette maladie est la peur. Je n'ai pas voulu discuter, j'ai serré la main à ce fou qui, au moment de me quitter, a ajouté encore « Il y a quelqu'un sur votre navire qui terrorise votre équipage. Vous êtes sûr de votre second ?»« Voyons, docteur, comme de moi-même. » »« Vous n'avez remarqué personne ?»« Personne. » »« Vous n'avez pas d'animaux à bord ?»« Pas du tout. » »« Pas de chat ?»« Non. » »« Vous devriez en avoir. » »« Pourquoi ?»« Parce que ce sont des animaux utiles. » Ils concentrent les effluves nerveuses. « Qu'est-ce que vous me dites là ?» Il n'a rien répondu. « Je ne sais absolument plus où j'en suis. Je ne vois qu'une chose, c'est qu'il faut que j'atteigne Visborg le plus tôt possible. Là, du moins, je déchargerai mon navire et nous verrons bien, après enquête complète de la police, ce qu'il faut penser de toutes ces histoires-là. » 29 mai. Ce que je vais écrire est effrayant. Je ne le croirais pas moi-même, si on me le racontait. Pourtant, je viens de vivre ces heures-là. Quelle chose atroce. D'abord, nous ne sommes plus que trois. À midi, le second est arrivé dans ma cabine en coup de vent et m'a dit « Capitaine, Hansen vient de tomber. D'où ? Il est tombé de sa hauteur sur le pont. Ce n'est pas possible. Si, je l'ai transporté dans la cale, il est en train de le faire comme les autres. Et qu'est-ce qu'il dit ? Rien. Il n'a pas prononcé une parole. Non, pas depuis qu'il est tombé, mais avant. Il a dit « Je ne me sens pas bien. » C'est bon, veillez sur lui. Le second est parti auprès du malade. Il revenu un quart d'heure après, la figure bouleversée. « Capitaine, il y a des rats dans la cale. »« Des rats ? Qu'est-ce que vous me chantez là ?»« Oui, capitaine, des rats énormes. » »« D'où sortent-ils ? » ?»« Des boîtes. » »« Quelles boîtes ? » ?»« Des boîtes longues que nous avons embarquées. » »« C'est bon, je vais avec vous. » Je suis descendu dans la cale auprès de Hansen avec le second. Et en effet, j'ai vu des rats, presque aussi gros que des chats, qui tournaient en rond, comme des chevaux de cirque autour du lit du malheureux. Hansen ne les voit pas. Il a les yeux complètement morts. Sa peau se violace. Il souffle bruyamment. J'ai l'impression qu'il en a pour quelques heures à vivre. Je me suis avancé dans la cale, aussi loin que j'ai pu, et j'ai vérifié en effet que les bêtes sortaient des caisses qui me paraissaient contenir des armes de contrebande. J'ai démonté un côté d'une de ces boîtes. Elle était pleine de terre. Qu'est-ce que c'est que cette idée de transporter de la terre après tout ? Il y a quelque chose qui n'est pas naturel là-dedans. Cela m'avait intrigué au départ, mais maintenant cela m'effraie, car je suis effrayé. Que se passe-t-il sur mon navire ? Je ne sais pas. Mais il me semble à tout instant qu'une porte va s'ouvrir, que quelqu'un va apparaître. Vraiment, j'ai peur. Je n'en ai rien dit. J'essaie de dormir de temps en temps pour reposer mes nerfs exacerbés. Je n'y réussis pas. 30 mai, Hansen agonise. Le second est entré tout à l'heure dans ma cabine et m'a dit « Capitaine, nous sommes perdus. » « Pourquoi dites-vous cela ?»« Je ne sais pas, mais je sens que nous sommes perdus. »« Allons, mon enfant, du courage. »« J'en ai, capitaine. Je n'en ai plus. » « Mais qu'est-ce que vous avez ?» Il a baissé la voix et m'a soufflé à l'oreille. « J'ai peur. » « Moi aussi. » Il m'a pris les mains. « Visborg est encore à 48 heures d'ici. Je suis sûr que nous n'y arriverons pas. » Et j'ai vu des larmes dans les yeux. « Je connais mon second. C'est un garçon d'une énergie à toute épreuve. Il doit savoir quelque chose pour être dans cet état-là. » 31 mai. Hansen est mort cette nuit. Nous l'avons immergé. Jamais nous n'avons dit de prière avec plus de ferveur, car cette fois, ce n'est pas seulement pour lui que nous prions, mais pour nous. Pour avoir les vies sauves. Mais l'aurons-nous? Je ne tiens plus debout. À 5 heures du soir, j'ai entendu mon second courir au-dessus de moi comme un fou. Il a descendu l'escalier de la cabine. Il est tombé par terre en arrivant. « Eh bien, lui dis-je, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Je suis un homme mort. » « Où avez-vous mal ? Partout. »« Que s'est-il passé ? Je n'en sais rien. »« Avez-vous vu quelque chose ? » ?»« Non. » »« Je vous en supplie. Si vous avez vu quelque chose, si vous avez vu quelque chose, dites-le-moi. » Il ne m'a pas répondu. Il a commencé de râler. « Mon Dieu, c'est la fin. Mon second est mort. Ayez pitié de lui. Ayez aussi pitié de moi. » 1er juin. Arriverai-je à Visborg? Je suis seul à bord, le bateau bat lentement. Je n'ose aborder aucun des petits navires que je rencontre. J'ai l'impression que je suis un pestiféré. J'ai fait un signe à un petit yacht. Il ne m'a même pas répondu. Cette nuit, je vais rester à la barre. Mes forces me le permettront-elles? Je tiens la barre depuis le moment où mon second est tombé. Là, le journal proprement dit était arrêté, mais dans les notes de Jean Uther, nous avons retrouvé ce récit fait par le capitaine quelques instants avant sa mort à l'hôpital de Visborg. Le 2 juin au soir, le capitaine Bergen était à la barre du Otto Friedrichs. Il était épuisé de fatigue. Par quel miracle a-t-il pu conduire son bateau sans encombre pendant si longtemps? C'est encore ce qu'on se demande. En tous les cas, il était à son poste et se cramponnait, si l'on peut dire, à sa tâche héroïque, quand il entendit un bruit prodigieux qui semblait venir de la cale et qui, selon son expression, faisait gronder sous lui son navire comme un orage. Quelques instants se passèrent. Tout à coup, il vit sortir par l'escalier qui descendait à l'entrepont une forme noire, longue, mince, un être humain à la tête complètement chauve, aux yeux immenses, qui s'avança lentement vers lui, les bras tendus, comme s'il avait l'intention de l'étrangler. Le capitaine poussa un cri. L'homme ne s'en effraya pas. Il continua de marcher vers la barre. Son visage était celui d'un mort, et si les yeux n'avaient pas éclairé cette face livide, le capitaine eût cru voir le spectre d'un de ses matelots. Mais non. L'effroyable personnage était vêtu d'une longue redingote noire, et ses mains étaient bien caractéristiques. Les derniers instants du capitaine Bergen ont été hantés par ses mains. Des mains fines, avec des ongles immenses, coupant comme des couteaux et fins comme des aiguilles. Le capitaine a fait des efforts désespérés pour se maintenir à sa barre. Peine perdue, l'homme était sur lui, le saisit aux épaules et le renversa. Le capitaine ne pouvait plus dire un mot. Il se traîna sur le pont, c'est là qu'on l'avait trouvé quand le bateau était arrivé à Visborg, conduit par qui? Par une main mystérieuse sans doute. Selon le capitaine, par l'homme à la tête de mort.